Découvrez Les Voix de la Vallée, un podcast de Fabrice Hibert, produit dans le cadre de son exposition école La Vallée, présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain jusqu'au 30 avril 2023. Retrouvez Emmanuel Coccia, Mario Dariussec, Guy Savoie, Paul Bepreciado et d'autres spécialistes pour des cours du soir menés en duo autour des thèmes de l'exposition. Un nouvel épisode à découvrir chaque semaine dès maintenant sur le site de la Fondation Cartier et sur les principales plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Comment écrire l'histoire des émotions ? La sensibilité et l'histoire, comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? Voilà le titre d'un article paru au début de l'année 1941 dans Annales d'histoire sociale. Il est signé Lucien Fèvre dans cette revue qu'il a fondée 2 ans auparavant avec Marc Bloch, aujourd'hui Annales histoire sciences sociales. Ainsi commence l'article « La sensibilité et l'histoire », sujet neuf. Je ne sais pas de livre où il soit traité. Je ne vois même pas que les multiples problèmes qu'il engage se trouvent formulés nulle part. Et voilà donc, qu'on me pardonne à un pauvre historien ce cri d'alarme, voilà donc un beau sujet, oui, beau sujet, belle aventure intellectuelle et sublime projet. Une science globale de l'homme et des sociétés. C'est le projet de Lucien Fèvre quand il fonde en 1947 la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui est devenue depuis l'école des hautes études en sciences sociales. Il s'agissait de promouvoir toutes les sciences de l'homme par la critique historique et le droit, par des tests et des enquêtes, par la statistique et la cartographie. C'est en 1980 qu'est présenté ce projet de Lucien Fèvre. Bonjour Hervé Mazurel. Bonjour Xavier. Est-ce que Lucien Fèvre, pour commencer cette émission, vous paraît une évidence ? Oui, bien sûr. Je reviens souvent, pour ma part, à cet article qui a quelque chose de fondateur. Hein. Lucien Fèvre avait senti à quel point on ne pouvait pas prêter aux femmes et aux hommes du passé les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes passions exactement que les nôtres, et qu'il fallait éviter l'anachronisme, qu'il appelait l'anachronisme psychologique, c'est le fait de nous transporter en quelque sorte tel que nous sommes dans le passé, hein, qu'il fallait retrouver la texture des vécus affectifs et psychologiques d'autrefois. Et il invitait, hein, ça c'est quelque chose qui m'est resté, hein, il invitait à plonger, disait-il, dans les ténèbres de la psychologie aux prises avec l'histoire. Hein, et ça m'est resté comme une ligne de une ligne de quête en quelque sorte, voilà. Et cette découverte, voilà, c'est pas le premier à avoir découvert que nos émotions, nos sentiments, nos affects, au sens générique, avaient une histoire. Hein. Je crois que on revient dans la généalogie française de l'histoire des sensibilités, on revient toujours à cet article-là, hein, mais il y a des précédents plus anciens, et je dirais que d'ailleurs, il est contemporain de Norbert Elias. En 1939, Norbert Elias lance sa grande enquête sur la sociologie historique des affects. Hein. Mais derrière tout ça, il y a aussi une rupture philosophique majeure, à mon avis, à la fin du 19e siècle, avec les maîtres de ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, hein, la triade Nietzsche, Marx, Freud, qui nous a amené finalement à redonner dignité philosophique au corps et au corps sensible, aux affects, hein, et à mieux débusquer derrière la raison, derrière la conscience, derrière les idées claires et distinctes, hein, tout le jeu des pulsions, des désirs, des appétits, des intérêts, des émotions, hein, et qui sont aussi essentiels dans la détermination des conduites à la fois individuelles, dans la marche des sociétés également. Hein, donc c'est un mouvement qui, de fond, qui vient de loin et qui ne s'arrête pas juste à cet article, certes saillant, mais qui n'est pas l'origine de tout, hein, de Lucien Fèvre. Vous citez Nietzsche, Marx, Freud, c'est vrai que c'est important dans leur démarche et dans leur pensée de mettre en avant quelque chose d'autre que simplement l'action des gens. Mais alors, avec quand même cette limite, c'est d'imaginer quelque chose presque d'universel. Si on prend Freud, un inconscient universel. Si on prend Marx, un inconscient universel aussi. Oui, c'est une des difficultés. Et par exemple, Norbert Elias, dans sa discussion, dans sa longue discussion avec Freud, puisqu'en fait, le processus de civilisation, son opus magnum, son grand livre de 1939, est une réponse à Freud, à malaise dans la civilisation. Et ce qu'il reproche à Freud, justement, il aimait beaucoup aussi la manière dont Freud avait mis la vie d'affect en quelque sorte au centre de beaucoup de choses, hein, mais il lui reprochait justement d'avoir fait comme si à travers ses patients, hein, on pouvait toucher à l'homme éternel et à l'homme universel, hein, et Elias au fond rappelait, dit, mais au fond nous n'avons affaire d'abord qu'à un milieu parcellaire, c'est-à-dire les bourgeois viennois névrosés fin de siècle, hein, des gens qui venaient d'une certaine civilisation, d'une certaine culture, d'un certain certain milieu social de plusieurs générations. Et donc, on n'avait pas directement accès à de l'universel et à de l'éternel, et qu'il fallait essayer de comprendre, au contraire, la genèse de la structure de la personnalité affective et psychique des patients que Freud traitait. Et donc, il y avait un problème historique. En quelque sorte, Elias avait élargi le champ de la caméra. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été très important pour moi. Histoire des sensibilités, c'est l'ouvrage que vous dirigez, Hervé Mazurel, avec Alain Corbin, publié aux Presses universitaires de France. Et dans cet ouvrage, il y a un échange entre vous et Alain Corbin, avec cette réflexion intéressante à propos de Lucien Febvre. On en parlait à cet article, alors fondateur ou étape importante dans cette histoire des sensibilités. Et Alain Corbin, que l'on salue, souligne bien que oui, mais Lucien Febvre, par la suite, n'a pas fait l'ouvrage qu'il demandait en disant, voilà, il manque un ouvrage, mais il ne le fait pas. Oui, il lui disait, bon, il a eu plein d'idées, des pistes, etc., qui sont toujours aussi, fascinantes pour nous, mais en effet, il n'est pas tellement passé à l'œuvre. Alors, à la fin de son Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, vous trouvez des choses très intéressantes sur la vie sensorielle, sur des hommes du XVIe siècle qui, disait-il, avaient un rapport au monde, un rapport d'étreinte, un rapport polysensoriel ou synesthésique au monde. Il faisait pas seulement la vue, il humait, il les écoutait, il goûtait, il aspirait la nature par tous les sens, disait-il. Voilà, petit à petit, la vue est devenue, la vue est devenue plus hégémonique, l'axe privilégié de notre relation au monde. Mais c'est vrai qu'il a fallu la relance du projet par Alain Corbin au tournant des années 80, pour qu'un projet explicite d'histoire des sensibilités, un projet très ambitieux, difficile à mener, vienne au jour. Et là, c'est vrai que toute l'œuvre d'Alain Corbin, livre après livre, il n'a cessé d'explorer l'historicité d'abord du sensoriel, c'était très nouveau et ça c'était très très important, mais des systèmes d'émotion, des systèmes d'appréciation aussi. Par exemple, la lecture du paysage s'est transformée aussi, la manière dont l'invention de nouveaux codes esthétiques bouleverse la lecture du paysage et les émotions qu'il fait naître. Je pense notamment à son livre Le territoire du vide, l'Occident et le désir du rivage. Ça a été un livre absolument cardinal pour moi, crucial, qui m'a fait décider de devenir historien. J'hésitais entre la philosophie et l'histoire, parce que tout d'un coup, je découvrais que dans mon plaisir pris au spectacle du paysage breton, en l'occurrence, il y avait de l'histoire collective, que j'étais dans l'émotion que je ressentais. En fait, il y avait toute une histoire souterraine, silencieuse, que je n'imaginais pas et qui était de l'ordre du collectif, derrière un plaisir qui me paraissait très, très individuel, très subjectif en réalité. C'est ce jeu, ce va-et-vient entre l'individuel et le collectif quand on parle d'inconscient, de sensibilité. On rapporte ça à un individu bien souvent. Oh là là, celui-là, il est sensible. Oh là là, celle-là, elle est sensible. Mais en fait, il y a cette sensibilité collective qu'il est très difficile, en fait, pour l'historien, pour l'historienne, de percevoir. C'est quoi, en fait? C'est un sentiment global? C'est essayer de saisir l'air du temps à ce moment-là? En fait, on a toujours tendance, c'est pour ça que la plupart des gens sont surpris quand on leur dit qu'on travaille sur l'histoire des émotions, ou l'histoire des émotions. Qu'est-ce qu'il y a de plus subjectif, de plus individuel, de plus singulier que l'émotion? On ne voit pas à quel point, en fait, nos émotions sont façonnées socialement, culturellement. Quand on est enfant, en fait, on intériorise les codes culturels de l'émotion, par exemple. Enfin, d'abord, nos sens sont éduqués à l'école, dans le cadre de la famille, et puis nos émotions elles-mêmes sont façonnées. On apprend à rire et à pleurer comme les gens de notre groupe. Il y a une marque de la société très forte sur des choses qui paraissent a priori très intimes, très singulières. Un façonnement social, culturel de tous les affects. Et du coup, ça veut dire que, d'un point de vue historique, ça veut dire que certaines émotions peuvent disparaître, comme d'autres peuvent émerger à certaines époques. Les émotions ont une histoire, ça ne va pas de soi. C'est presque un peu contre-intuitif, mais pour prendre un exemple, je pense à Sarah Ray, l'antiquisante Sarah Ray, grande historienne des larmes, par exemple, mais qui avait, dans un numéro de sensibilité qu'on coordonnait, qui s'appelait Controverse sur l'émotion, travaillé sur la miséricorde romaine, et elle montrait que cette émotion-là, elle n'avait pas d'équivalent aujourd'hui. Elle était très liée à un geste du suppliant. Elle touchait le genou, le suppliant touche le genou du miséricordieux, et celui-ci est censé écouter le plaignant, compatir, et lui venir en aide. Et ce geste du toucher du genou qui a disparu, et avec elle, c'était un geste émotif, et avec elle, du coup, la miséricordia romaine s'est effacée. Voilà. On pourrait penser aussi, pour prendre un autre exemple, à la compunction qui avait été travaillée dans un beau livre aussi, Le don des larmes, par Pyrrhos Kanagi, qui est une émotion spécifiquement chrétienne et médiévale, qu'aujourd'hui on dit bah au fond c'est une forme de remords. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une forme de repentir, c'est-à-dire de tristesse face au péché qu'on a commis, mais en même temps lié au plaisir de la consolation divine à venir, C'est-à-dire qu'on peut, ce sont des larmes qu'on verse, mais qui sont douces parce qu'on sait que le pardon divin est également en chemin. Hein, et cette, il n'y a pas d'équivalent pour traduire la componction aujourd'hui. Voilà. Ça permet en plus d'utiliser un mot de vocabulaire qu'on n'utilise pas beaucoup. Hein, non, c'est vrai. Mais la disparition même du mot montre que l'émotion que ce mot couvre, eh bien, disparaît elle aussi avec cette idée que pendant très longtemps, on le sait bien, l'histoire s'appuyait sur une chronologie précise. Elle s'appuie toujours sur la chronologie. La chronologie, c'est essentiel, on le sait bien. L'histoire, c'est le temps qui passe. Mais pour les sensibilités, pour les émotions, bah, dès lors, la chronologie, il faut la mettre un peu de côté, au sens où elle ne peut pas être extrêmement précise. C'est vrai qu'on ne peut pas dire, voilà, les sensibilités collectives ont basculé le 4 octobre 1977. Ça n'a aucun sens. Hein. Donc c'est vrai qu'on travaille voilà, sur des basculements lents, sur de décennies, de siècles. Hein. Donc c'est une chronologie qui est plus indécise, hein, de fait. Et en même temps, c'est-à-dire que, du coup, si on veut faire de l'histoire des sensibilités, il faut travailler la plupart du temps sur de la moyenne ou longue durée, sur de larges échelles de temps. Parce que si on travaille à l'échelle d'un individu ou, seul, ou d'une génération, on ne voit pas nécessairement ces grandes transformations silencieuses de la vie affective. Ah, il faut un peu de dégagement. C'est ce que nous avait très bien enseigné, pour le coup, Norbert Elias, hein, quand il travaillait sur le processus de civilisation ou le processus de privatisation ou d'individualisation, des processus socio-historiques absolument décisifs pour la vie affective. Ah, il fallait pouvoir les observer sur le temps long. Ce qui n'empêche pas aux historiens des sensibilités, comme l'a fait Alain Corbin parfois, de pointer, hein, des moments de bascule, des événements, des saillances en quelque sorte, où tout d'un coup, un régime sensoriel ou une culture affective, hein, se transforme. Et donc, on peut travailler, par exemple, sur un, voilà, ou sur un crime odieux, ou sur une affaire de mœurs retentissante, ou sur un massacre qui fait scandale, par exemple, dans le village des cannibales. Hein, Alain Corbin décrit le dernier massacre paysan, voilà, en 1870, hein, qui crée, voilà, une émotion collective à l'échelle du pays, hein, pour montrer que quelque chose a changé dans l'histoire de la violence. Hein, et qu'il y a là, il y a un point de bascule, hein, très, très intéressant. Voilà. Il appelait ça, ce massacre, il appelait ça un monadoc. C'est une forme géologique qu'on peut trouver, par exemple, dans les, je sais pas, dans le Grand Canyon, vous voyez, c'est, là, il reste quelque chose d'un temps très ancien, très archaïque, hein, mais qui est en train d'être érodé, quoi, une bonne fois pour toutes. Voilà. Hervé Mazurel, vous nous avez dit qu'en 1941, quand Lucien Febvre publie son article sur, bah, allez, on va dire, cet article fondateur sur la sensibilité et l'histoire, bien sûr, il est héritier, ou en tout cas, il fait écho à des travaux précédents. Vous nous parlez de l'œuvre d'Alain Corbin, et Alain Corbin qui n'arrête pas, parce qu'il travaille sans cesse sur de nouveaux objets historiques, mais lui-même, quand il met en place toute sa réflexion, il entre dans un mouvement qui, dans les années 1950-1960, porte un regard particulier sur les sensibilités. Oui, il y a un moment très important, c'est-à-dire que il y a un lien très fort entre l'histoire des mentalités et l'histoire des sensibilités. D'ailleurs, quand l'histoire des mentalités naît, notamment, je pense au roi thaumaturge, hein, de Marc Bloch, 1924, hein, la traduction anglaise, c'est the royal touch, hein, donc le toucher royal, puisqu'au fond, c'est comment la croyance selon laquelle les rois pourraient guérir les écrouelles juste par simple toucher. Hein. Donc c'est déjà là. Et puis après, dans les années 60-70, quand les historiens des mentalités explorent les contours de la vie, l'atmosphère mentale du passé. Je pense bien sûr à Georges Duby, à Jacques Le Goff, à Philippe Ariès sur le sentiment de l'enfant, sur l'évolution des sensibilités à la mort, à Jean Delumeau sur la peur, à Flandrin sur l'alimentation. Hein, au départ, ils travaillent dans le champ de l'histoire des mentalités, c'est-à-dire d'essayer de retrouver les contours du pensable à telle ou telle époque. Mais de fait, ils ont fait beaucoup avancer aussi l'histoire des faits de sensibilité, hein, clairement. Mais voilà, jusqu'à ce qu'Alain Corbin cristallise en quelque sorte à nouveau à la fin des années 80, ce champ sous une appellation différente d'histoire des sensibilités. Mais là, et il y avait cette tension chez Marc Bloch dans La société féodale en 1939. Il y a un chapitre absolument capital, tout aussi important à mon avis que l'article de Lucien Febvre, qui s'appelle « Façon de penser, façon de sentir ». Hein, façon de penser peut-être plus l'univers des mentalités, façon de sentir l'univers des sensibilités. Hein, mais qui sont évidemment profondément liés ensemble. Puis il y a des enjeux, hein, qui dépassent simplement l'histoire. C'est ce que rappelle l'historien Jacques Le Goff, médiéviste. Ben oui, parce qu'au moment d'enseigner l'histoire aux Français, de quoi faut-il leur parler? Mais il ne se sent pas vraiment touché dans sa personne et son identité. Lui dire comment ses ancêtres ont changé dans leur manière de vivre et de penser, là, il sent qu'on lui parle de ses racines. On lui parle de ses racines. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est ça, expliquer Louis XIV, Napoléon, c'est une histoire passionnante, mais il y a toujours une distanciation avec le grand homme. Là, avec l'histoire des sensibilités, on est au plus proche des gens. Oui, c'est-à-dire que l'histoire qui m'intéresse, hein, c'est moins l'histoire avec un grand H ou avec une grande H, comme disait Pérec, hein, c'est-à-dire que l'histoire des grands hommes, l'histoire des grands monuments, l'histoire des grands événements, hein, qu'une histoire finalement sourde, une histoire souterraine, silencieuse, nocturne, profonde, qui est l'histoire des sensibilités, c'est une histoire lente à couler, mais qu'on ne sent pas vraiment couler, en quelque sorte. Voilà, c'est une forme de dérive, hein, dérive de nos mœurs corporelles, dérive évolution de nos de notre vie affective, de nos seuils de pudeur, des frontières de l'intimité, comment tout cela change de manière souvent imperceptible, hein, et nous façonne en profondeur. Regardez que l'histoire des sensibilités, c'est souvent aussi une affaire de révolution silencieuse, hein, comme disait Nietzsche, qui avance à pas de colombe. La révolution MeToo, par exemple, hein, toute la question du sexisme, la sensibilité au sexisme, aux blagues graveleuses, aux violences faites aux femmes, c'est une révolution des sensibilités collectives qu'on n'a pas nécessairement vu venir si fortement et qui tout d'un coup s'impose comme quelque chose d'absolument décisif, hein, dans nos sociétés. Voilà, c'est une, à mon avis, c'est typique, hein, d'une transformation silencieuse de la sensibilité collective. Et surtout, il y a ici quelque chose de transdisciplinaire, parce que à vous écouter Hervé Mazirel, on sent bien que la philosophie n'est jamais très loin, mais pas uniquement la philosophie, toute forme d'histoire et toutes les disciplines possibles, parce que il y a un peu d'anthropologie dans cette histoire-là, il y a un peu d'ethnologie. Bien sûr, oui, moi j'envisage jamais l'histoire seule, l'histoire pour elle-même, c'est-à-dire qu'une histoire qui n'est pas une histoire science sociale ne me passionne pas. Donc dans l'histoire des sensibilités, il y a une invitation à l'anthropologie, à la sociologie, toute une sociologie, aux sciences politiques, à la philosophie, à ne pas rester muré dans leurs frontières. Et on gagne à l'histoire de l'art aussi, bien sûr, hein, toute la question du régime de visibilité, du régime du visible, des formes du visible, c'est absolument essentiel. Hein, et c'est vrai que notre histoire, elle est à la fois nourrie de psychologie historique, hein, au départ, Lucien Fayot était plutôt côté de la psychologie historique, Alain Corbin, la matinée d'anthropologie peut-être encore davantage, hein, et évidemment, quand on va chercher les variations historiques de l'usage des corps, des manières sensorielles d'être au monde, des émotions, bien souvent on va aussi du côté des ethnologues, des anthropologues qui connaissent très bien ces variations culturelles-là. Hein, et là, donc du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a des anthropologues qui m'ont beaucoup nourri, je pense à François Laplantine ou à David Le Breton et bien d'autres encore, hein, qui ont travaillé sur l'anthropologie du sensible, hein, et qui, pour moi, il n'y a pas vraiment ici de frontières, c'est-à-dire que au fond, qu'on travaille sur l'altérité dans l'espace ou sur l'altérité dans le temps, voilà, ça communique. Voilà, et ça doit communiquer pour moi, vraiment. Et puis avec des concepts d'altérité, de l'anthropologie, de la psychanalyse, etc., etc. Mais des questionnements extrêmement simples. En fait, le questionnement est simple, c'est à tel moment, mais que pouvait ressentir tel individu? Quelle était sa perception d'une odeur bonne ou mauvaise? Oui, au fond, si vous voulez, mon raisonnement, il a toujours été très simple. Hein. J'ai mon premier travail en maîtrise, c'était sur la réception de surveiller et punir, hein, de Michel Foucault par les historiens. Et Michel Foucault, j'avais 22-23 ans, que nos corps avaient une histoire, que nos corps étaient pétris d'histoire. Il travaillait dans surveiller et punir sur le dressage des corps, à l'école, dans les hôpitaux, les casernes, les prisons. Georges Vigarello a poursuivi aussi cette histoire du corps redressé. Puis après, au contact d'Alain Corbin, d'Arlette Farge et d'autres, j'ai appris que la vie affective avait une histoire, que nos sens, nos émotions, nos sentiments étaient traversés par l'histoire, sous l'emprise de l'histoire. Et la question que j'ai voulu poser dans ce livre, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, c'est au fond, mais est-ce que la psyché elle-même, pourquoi la psyché elle-même échapperait-elle à l'emprise de l'histoire, à l'historicité? Et donc c'est un livre qui est adressé aussi aux disciplines de la psyché, psychologie, psychanalyse et psychiatrie, pour dire, au fond, voilà, il y a de l'histoire collective, hein, jusque dans le tréfonds de l'être intime. Hein, la société ne reste pas, en quelque sorte, aux frontières du moi. Hein. Certains psychanalystes, enfin une tradition dominante, dit que au fond, seule la surface du moi est socialisée. Hein, ce que j'essaye de montrer, c'est que l'histoire collective s'invite jusqu'au tréfonds des êtres, hein, et qu'il faut aller chercher l'histoire là où elle se cache le mieux, hein, et jusque dans les couches inconscientes de notre psyché. Oui, bah, on le voit bien sur la couverture de votre livre, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, Hervé Mazurel. Profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective, publié à La Découverte. Nous sommes au seuil de la chambre, il n'y a que quelques marches pour aller dans la chambre. Mais c'est cela aussi, c'est un tableau de Félix Vallotton à la couverture du livre. Il y a de cela aussi dans cette histoire, c'est quelque chose, on le sent bien, au plus proche des gens. Étudier la vie affective, c'est toucher à l'intime, c'est extrêmement délicat et dès lors se pose la question de la méthode. C'est multiplier les références pour sortir une tendance générale à un moment donné. Oui, c'est pas toujours simple, évidemment. Hein, et je prends juste pour montrer ce que c'est qu'un problème d'histoire des sensibilités. Je pense au livre d'Hélène Monsacré qui s'appelle « Les larmes d'Achille ». Hein, c'est un livre qui pose un problème historique passionnant. Elle s'intéresse à, voilà, elle dit, mais comment le héros par excellence de l'Iliade, le guerrier, l'archétype du guerrier, Achille, peut-il pleurer à chaudes larmes tout au long de l'Iliade et pas seulement au moment de la mort de Patrocle, hein. Il pleure. Et pourtant, ses pleurs, ses larmes versées n'affectent pas sa virilité guerrière. Hein, ce qui, pour nous, est contre-intuitif. Alors même que ses larmes, justement, disparaissent dans la tragédie classique chez Sophocle, chez Eschyle, chez Euripide, les hommes ne pleurent plus. Et les larmes sont repoussées du côté du féminin. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a un problème historique fascinant. Vous voyez. Alors après, pour nous, évidemment, pour ce qui est des sources notamment, hein, comment on travaille en histoire des sensibilités, c'est vrai que tout peut faire source hein, pour les historiens des sensibilités, ne serait-ce que par l'un de leurs aspects. Il faut faire feu de tout bois. Au départ, les historiens des sensibilités se sont un peu dépris de l'histoire des mentalités, au sens où elle avait tendance à travailler, parce qu'elle venait aussi de le modèle de l'histoire économique et sociale quantitative jouait. Donc, les historiens des mentalités, au début, travaillaient beaucoup sur des sources répétitives, les actes de baptême, les actes de mariage, les inventaires après décès. Et les historiens des sensibilités ont dit, il faut qu'on s'intéresse à toutes les écritures de soi, aux égaux documents, les correspondances, le journal intime, les carnets de voyage, les carnets de guerre, à libérer un peu le régime des sources. L'ennui, bien sûr, ici, c'est qu'on jusqu'à l'alphabétisation généralisée, hein, notamment pour la France, à partir du XXe siècle, de la fin du XIXe et du XXe siècle, on touche surtout aux élites quand on travaille sur ces sources-là. Néanmoins, en fait, quand on voit par exemple la manière dont Arlette Farge a pu travailler sur les mondes populaires parisiens du XVIIIe siècle, à travers d'autres sources, les archives judiciaires, les archives de police, bien sûr ce sont des sources biaisées, mais toutes les sources sont biaisées. Je pense aussi au très beau livre de Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent, hein, qui nous fait voir les archives notariales sous un jour tout à fait inédit. Hein, et en fait, donc on peut tout mobiliser, on peut mobiliser les objets, les vêtements, par exemple, toute la culture matérielle, pour les historiens des sensibilités, c'est tout un océan. Georges Didier Huberman nous invite aussi souvent à dire, travaillez davantage avec les images. Hein, les images, évidemment, qui nous disent l'évolution des codes de l'expression de l'émotion, par exemple, ou qui permettent aussi de repérer ce qu'Abi Warburg appelait la survivance des formes passionnelles à travers le temps, hein, ou des changements. Voilà. Et ça, c'est donc les images sont évidemment aussi pour nous un champ de travail colossal. Bref, Tout est ouvert, voilà. Mais évidemment, il faut de la prudence. Hein. Il faut de la prudence parce que pointer un basculement de sensibilité, ça nécessite de trouver énormément d'indices qui concordent hein, pour montrer cette transformation silencieuse. De la prudence, encore de la prudence, dit Hervé Mazurel. De la nuance, encore la nuance, disait Verlaine. Et que dit Charles Baudelaire? Tiens, plein de charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Une charogne. Par Charles Baudelaire, c'est une lecture de Georges Clès. La charogne, elle se trouve dans Les Fleurs du Malin en 1861. Dites-nous, Hervé Mazurel, ici, il y a tout. Il y a la vue, parce qu'il insiste bien, Baudelaire, il abîme les exhalaisons, la puanteur. J'ai pas besoin de souligner combien l'odorat est mobilisé au moment où l'on passe à côté d'une charogne. Il y a même le son, il y a ces mouches, etc. À quel moment, on le sent bien, se met-on à percevoir l'importance de ce que les gens du passé pouvaient ressentir? Ce moment Alain Corbin, on le dit bien, ce moment Lucien Ferve, c'est autre chose. Mais on pourrait inverser la question et de dire, mais en fait, avant, on ne le voyait pas, on ne le ressentait pas. C'est quelque chose qui nous impressionne aussi quand on regarde ces textes-là, après vous avoir lu, vous, Hervé Mazurel, Alain Corbin et tous les autres, d'être sensible à tout cela. Oui, alors c'est toute la difficulté pour les historiens dans les sources, parce que de déceler la différence, voilà, c'est pas parce qu'il y a du non-dit qu'il y a du non-éprouvé. Parfois, il y a des choses qui sont éprouvées, mais qui ne trouvent pas l'accès au langage tout de suite. Donc tout d'un coup, les historiens pointent d'abord l'invention de moyens rhétoriques pour dire des sensations ou des émotions nouvelles. Donc c'est ce rapport entre du langage à l'émotion qu'il faut pointer. Mais ce que je trouve passionnant aussi, c'est tout, là derrière tout ça, il y a aussi toute l'histoire des seuils de tolérance, des seuils de tolérance aux odeurs. Hein. Et Alain Corbin comme Robert Muchamblé ont travaillé sur ce problème de la civilisation des odeurs. Hein, comment finalement, voilà, on imagine mal le silence, on vit dans un tel silence olfactif, comme ils disent aujourd'hui. On imagine mal, c'est Bruno Latour, je viens de lire un livre qu'il avait écrit il y a longtemps sur Pasteur et donc qui a été réédité après sa mort. Il disait, si on nous transportait dans le Paris des 1850 aujourd'hui, avant Pasteur, avant la pasteurisation, on n'imagine pas, on s'évanouirait tellement l'univers olfactif du Paris des 1850 serait insupportable pour nous, intolérable pour nous. Hein, mais il y a toute une histoire des seuils de tolérance qu'on peut mener dans plein de champs, hein, sur l'histoire de l'hygiène. Georges Vigarello avait écrit ce beau livre sur le propre et le sale. L'histoire des seuils de pudeur, je pense à Christophe Granger, les seuils de pudeur sur les plages, leur transformation. L'histoire des seuils de tolérance à l'obscurité. Hein. Simone Delattre avait écrit un beau livre sur les 12 heures noires, comment en fait l'invention de l'éclairage nocturne avait changé complètement dans les villes, en tout cas le rapport à la nuit au 19e siècle. Vous avez une histoire des seuils de tolérance par exemple au froid et au chaud. Olivier Jandot a travaillé sur l'invention du confort thermique. Vous pouvez écrire une histoire des seuils de tolérance à la douleur. Nous sommes beaucoup plus douillets hein, que nos ancêtres parce que l'arrivée des antalgiques, de l'anesthésie, tout ça a pacifié la scène opératoire, hein, la scène chirurgicale. Hein, et nous sommes évidemment beaucoup plus, de ce point de vue-là, beaucoup plus vulnérables à la douleur qu'autrefois. Il y a toute une histoire des seuils de tolérance à l'épanchement du sang, à la vue du sang animal notamment, et là il en est question, hein. Toute la question des abattoirs, qui est une question qui a intéressé dès le 19e siècle, hein, mettre les abattoirs aux marges des villes. Hein. Et puis aujourd'hui, avec toutes les actions de L214 dans les abattoirs pour nous montrer comment les choses se passent, on est vraiment sur la question de la tolérance à la souffrance animale. Et puis il y a toute cette histoire qui est désormais bien écrite, hein, de l'histoire des seuils de tolérance au spectacle de la mort. Hein, et toute l'histoire des exécutions publiques. Peter Spierenburg, Anne Carroll, Emmanuel Taïeb ont écrit, hein, comment on est passé d'un moment en 1757 où on pouvait voir des foules entières assister à la mise à mort de Damien, le régicide Damien, qui avait essayé d'attenter à la ville Louis XV. Hein, c'est les pages d'ouverture de Surveiller et punir. Ce grand cérémonial de la chair et du sang, comme disait Foucault, c'est quasiment intolérable à la seule lecture. Hein, à la seule lecture. Comment pouvait-on tenir des heures durant devant un tel spectacle, hein, et progressivement, comment l'exécution publique quitte la place de grève pour aller aux marges de ville, puis finalement les enceintes des prisons, et puis tout au bout de cette histoire, il y a hein, l'abrogation de la peine de mort en 1980. Alors c'est une histoire qui est déjà très bien écrite, hein, mais qui est fascinante sur l'histoire des seuils de tolérance face à la souffrance humaine, au fond. Ce que vous mettez en avant, cette idée de seuil de tolérance, Hervé Mazurel, on sent bien que c'est une vraie question, parce que quand Baudelaire parle d'une charogne, la charogne, elle puait par le passé, elle pue aujourd'hui. Waouh, ça, tomber amoureux, ça crée des émotions, ça a toujours créé des émotions. Mais l'historienne qui s'empare des sensibilités doit jouer justement. Alors, ces seuils de tolérance, mais surtout, ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde, on le sait bien, selon le milieu bien social sûr, et selon le temps. Il y a aussi cela à mettre toujours en jeu dans cette réflexion. Bien sûr, il y a une dimension sociale qui est très liée dans l'usage des sens. Par exemple, au 19e siècle, se met en place une distinction très forte, très prégnante entre les sens dits nobles, hein, les sens, donc la vue et l'ouïe, qui sont des sens de la distance au corps de l'autre, mais de la distance aussi avec la matérialité du monde. Et puis les sens dits de proximité, qui ont bien moins bonne presse, hein, le toucher, l'odorat est vu comme le sens le plus animal. Et donc, dans les stratégies de distinction, qu'avait très bien vu Georg Simmel, par exemple, qui est le premier à avoir lancé une sociologie des sens en 1912, et au fond, hein, bien souvent, on cherche à se distinguer en faisant usage des sens sens noble, hein, de la distance. Hein, valoriser la vue et l'ouïe et beaucoup moins le toucher. On s'étreint moins, on touche moins les autres, etc. Hein, et donc, il y a tout un jeu social. Il y a à la fois une construction sociale du sensible, sur laquelle on a beaucoup parlé déjà, et puis il y a une construction sociale hein, du sensible. C'est-à-dire que il y a une dimension morale dans l'usage de nos sens. Hein, et donc aussi tout un tas de stratégies de distinction que Pierre Bourdieu avait très bien vu. Hein, dire les goûts et les dégoûts. Hein, il disait justement le goût et le dégoût des goûts des autres. Hein, si ça, c'est pas sociologique, c'est merveilleusement sociologique. Ok, il y a cinq sens et donc il y a une hiérarchie qui évolue dans le temps. Oui, ça peut paraître étrange, mais pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, hein, quand Lucien Febvre et Robert Mandrou expliquent... je vais prendre un exemple ethnologique, bon, parce que celui-là, je vous en ai déjà parlé. Edmond Carpenter, un anthropologue américain, une fois qui travaillait sur les sociétés inuites dans le Grand Nord, s'est perdu dans la banquise un jour de tempête. Hein, il était incapable de se retrouver, la banquise, c'est tout blanc, c'est neutre, il n'y a pas de point de repère spatiaux pour la vue. Par chance, il croise deux jeunes chasseurs inuits, hein, et qui, lui, ont réussi à le ramener au village simplement hein, en comprenant hein, les différents souffles du vent, les craquements de la glace, en goûtant la neige, vous voyez, un rapport non pas à l'espace, non pas seulement qui passe par la vue, mais qui est polysensoriel. Et petit à petit, grâce à tout cela, hein, et aussi parce qu'ils ont les mots pour décrire les souffles du vent ou la contexture de la neige, ils ont réussi à ramener le fameux anthropologue chez lui. S'il était resté tout seul, hein, il serait mort de froid sur la banquise. Hein, il raconte ça. Et donc, ça veut dire que nous n'habitons pas tout à fait les mêmes univers sensoriels, hein, les uns et les autres. Et donc, nos mondes sensoriels se transforment. Et c'est très lié aussi au langage et à la capacité du langage à décrire. Dans la langue arabe, vous avez 7 mots pour dire le goût de l'eau, 7 ou 8 mots. Hein, et nous, quand on dit que l'eau a un goût, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable de dire du goût de l'eau. Hein, vous voyez aussi comment tout ça est lié à la richesse de la langue pour décrire telle ou telle sensation. Et puis, il y a dans cette histoire-là, on le voit bien, l'écriture d'une histoire, l'écriture de l'histoire des sensibilités, qui a son histoire elle-même, bien sûr. Et puis, il y a le ressenti des gens. Et c'est peut-être en cela que l'histoire des sensibilités, j'allais dire, fonctionne bien, pour utiliser une expression très simple, parce que les gens eux-mêmes le ressentent entre les effets de génération. Ah, moi, mes grands-parents, ils ressentaient pas la même chose, ils étaient durs à la tâche, etc., etc. On va retrouver ça au niveau vraiment des individus. Bien sûr, hein, c'est une histoire, en effet, vous le disiez, proche des gens, c'est-à-dire au sens où ce qui nous est très important, c'est au fond c'est un travail de dépaysement, hein, d'estrangement, dire attention, même la génération de 14 qui nous paraît pas si loin dans le temps, à un siècle, ce sont des gens quand même bien plus différents de nous, hein, et notamment bien plus durs à certaines expériences que nous. Pensons juste notamment à la question des violences dans le cadre scolaire qui a beaucoup changé, ou dans le sein de la famille, hein, la fessée est désormais interdite, hein, mais voyez comment aussi tout ça qui nous... Et comment entre 2-3 générations, les choses évoluent de telle façon hein, que, au fond, l'univers affectif, sensible, émotif de nos grands-parents nous paraît à des années-lumière de nous. Hein, et on se rend bien compte qu'il y a eu toute une transformation qui s'est opérée en l'espace de 80 ans. Hein, on dit, mais voilà, comment pouvaient-ils supporter les agissements de leur maître d'école, par exemple, hein, qui pour nous serait totalement intolérable aujourd'hui. Et ça rend modeste, hein, parce que ça fait réfléchir aussi sur comment ceux qui viendront après nous regarderont nos agissements. nous trouverons peut-être très frustes, hein, c'est possible. Et dans cette histoire-là, il y a tous les sens mobilisés, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et bien sûr le goût. Toutes les fêtes, toutes les premières communions, hein, tous les pots de cochon, c'est rare quand même qu'il n'y ait pas eu des yeux à la neige. Hein. Et puis les baptêmes, c'était le fond du problème, ça. L'œuf à la neige, les croquettes, les bois noms de croquettes. Les bois noms de croquettes, c'est ça. Et puis les meringues. Ah ben, quand le poulet était refroidi, voilà. On a filé la meringue. Ah bah oui, c'était formidable les œufs à la neige d'antan. Il y a toujours dans cette histoire-là un peu de nostalgie, un peu de construction, alors d'une mémoire personnelle bien sûr, mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre sur cette évocation en 1980, ben, des anciens, il y a la communauté en fait, qui est toujours là. Et c'est ça qui est important sur cette histoire des sensibilités, c'est que c'est une histoire collective. Alors, après, savoir où se placer dans cette collectivité. Bien sûr, c'est une histoire, il y a des communauté sensible ou émotionnelle, c'est une notion qui est proposée par la médiéviste Barbara Rosenzweig. On peut dire au fond, quand on est, je sais pas, quand on est dans un monastère ou quand on vient d'une certaine école ou d'un certain quartier, on a une certaine façon typique et partagée par le groupe local de sentir et de ressentir, hein, et que on trouve pas exactement les mêmes dans un autre groupe social, dans de haut en bas de l'échelle sociale. Hein, ces choses-là varient, hein, mais il y a quelque chose en effet de partagé, des goûts partagés, et c'est lié à une socialisation qui est proche, c'est-à-dire que nous avons été socialisés dans les mêmes écoles, dans les mêmes quartiers, hein, donc notre vie d'affect, elle porte la marque, hein, de cette socialisation-là. Hein, on a fait à peu près le même genre d'expérience sociale, et donc on partage tout cela en commun. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'habitus, hein, c'est-à-dire que nous partageons certaines façons de sentir, de nous comporter, d'agir. Hein, voilà, nous sommes des êtres, nous avons des habitus partagés. C'est pour ça que quand on change de milieu social, hein, très souvent on est dans l'embarras, dans une certaine gêne, parfois dans la honte. Hein, parce que nous ne possédons pas les codes de comportement, les manières d'être, les façons de sentir, les manières de table, par exemple, hein, d'un autre groupe. Hein, et donc il y a du collectif là. Voilà. Et s'il n'empêche pas que, bien sûr, hein, il y a aussi du singulier. C'est-à-dire que ces expériences sociales, nous ne les avons pas toutes faites dans le même ordre, nous n'avons pas les mêmes parents, etc. Donc à chaque fois, c'est à la fois très social et très intime. Hein, et c'est pas ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il faut cesser de penser la société et l'individu comme des compartiments séparés, de les penser de manière disjonctive. Hein, en fait, au fond de notre être intime, il y a de la société s'invite, hein, jusque dans nos rêves. Hein, nous avons l'impression que dans nos rêves, c'est l'espace de la fantasmagorie privée, en quelque sorte. Hein, mais nos rêves, ils sont travaillés par les soucis quotidiens, les soucis de travail, par les préoccupations sociales, par tout un imaginaire social, par de la déviance, de la criminalité, etc. Tout ça s'invite dans nos rêves. Hein, donc, en fait, il faut casser cette frontière trop raide. Il faut mieux relier, si vous voulez, le psycho-affectif au social historique. Je crois que c'est ça, au fond, que je cherche à faire. Voilà, le rêve, c'est formidable pour les psychanalyses, parce que c'est essentiel, bien sûr, mais c'est aussi intéressant pour l'historien que vous êtes, Hervé Mazurel. Et d'ailleurs, la psychanalyse elle-même est intéressante en histoire. Et cette petite Dorothée, dont vous portiez le cartable au retour de la classe, elle refusait de vous faire partager son goûter, hein? Oui, oui, oui, elle donnait toujours son chocolat au gros Lulu. Le gros Lulu, il y en avait pour le gros Lulu. Alors je le hais, le gros Lulu. Et vous éprouviez un désir de vengeance, non? Oh oui, oui, mais c'est arrangé, David, c'est arrangé. Je l'ai coincé à un carrefour. Alors il n'avait pas de vignette. Il avait les phares qui n'étaient pas propres. Insulte à un agent et paf, je lui en ai collé pour 52 000 francs. Complexe de frustration, prépubère. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne vous rends pas compte. Complexe de frustration prépubère pour Louis de Funès dans le gendarme à New York. Hervé Mazurel, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire publiée à la découverte. Alors, cet inconscient, mais déjà nous le savons combien aujourd'hui, là, dans une séance avec un psychanalyste, c'est très dur l'inconscient. Mais alors, l'historien, qu'est-ce qu'il va en faire? Oui, mais c'est, si vous voulez, il y a toute une histoire que Michel Le Sertel avait bien dit. Au fond, ce que la psychanalyse peut notamment apporter aux historiens, hein, c'est de penser l'histoire sur l'histoire du refoulement et l'histoire du retour du refoulé. Hein, ce qui est quelque chose. Donc, et Norbert Elias, quand il fait l'histoire du processus de civilisation, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout l'histoire d'un refoulement, des pulsions sexuelles et des pulsions d'agressivité, l'histoire d'un refoulement ou d'une maîtrise des émotions spontanées, d'un désir de rationalisation progressive des comportements. Hein, vous voyez, donc en fait, il y a un modèle psychanalytique là de lecture de l'histoire qui est très intéressante. Je pense quand les historiens ont commencé à s'intéresser à la mémoire collective, hein, je pense à Nicole Leroux, l'oubli dans la mémoire d'Athènes, ou bien sûr à Henri Rousseau dans le syndrome de Vichy, à lire l'histoire de la mémoire collective sur le mode de la hantise du passé, hein, les passés qui ne passent pas. Comment Vichy, hein, après avoir tout d'un coup été l'objet d'un refoulement, puis d'un retour du revulsé, puis d'un syndrome ou d'une névrose obsessionnelle, comme il dit, même s'il employait les catégories freudiennes de manière analogique à l'échelle du collectif. Mais cette manière de penser la hantise du passé au présent, dans le cadre aussi de l'histoire coloniale, hein, c'est un des legs de la psychanalyse. Mais c'est pas seulement la psychanalyse a pu nous apporter des curiosités différentes, des objets d'histoire, la vie privée, l'intime, les relations familiales, la tentation incestueuse ou parricide. Il y a eu beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à ça. On est devenu aussi meilleur biographe, hein, plus attentif aux expériences infantiles, au poids des expériences sexuelles dans la vie psychique, aux obsessions, aux addictions, aux perversions. Ça nous a rendu aussi, par certains côtés, meilleur biographe. Je pense que la psychanalyse a apporté aussi aux historiens une plus grande attention dans les sources au tu, au caché, au latent. Alphonse Dupron, qui s'intéressait beaucoup à la psychanalyse, disait, nous savons, hein, grâce à la psychanalyse, que le silence parle. Nous sommes attentifs au silence des sources. Donc la psychanalyse a ceci d'intéressant. Maintenant, les historiens ont beaucoup à apporter aussi, à mon sens, à la psychanalyse, qui justement a une résistance très forte à la question de l'historicité. D'un côté, les psychanalystes ont voulu garder le monopole de leur histoire, comme l'ont fait les philosophes, écrire l'histoire elle-même de leur discipline, hein, pensant laisser aux spécialistes du discours de l'inconscient la chance de pouvoir écrire l'histoire de la psychanalyse. Hein, et en fait, il y a toute une historiographie, une histoire historienne de la psychanalyse que les psychanalystes ignorent la plupart du temps. Hein. Il faut décloisonner ces deux histoires, l'histoire psychanalytique de la psychanalyse, l'histoire historienne de la psychanalyse, il faut les faire se connaître. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est encore tout à fait autre chose, c'est ne pas seulement dire qu'il faut historiciser la psychanalyse, mais savoir si l'on peut historiciser l'objet même de la psychanalyse, le psychisme inconscient. Hein, et de montrer que, justement, il y a toute l'histoire de la répression, des pulsions, des émotions, des affects, hein, de l'agressivité notamment, hein, c'est une histoire de très longue durée. Hein, et ce que montre très bien Norbert Elias, d'une façon assez étonnante, hein, c'est comment la sociogenèse de l'État moderne, hein, donc comment l'État a monopolisé notamment l'exercice de la violence légitime, a progressivement travaillé en Europe à une pacification de l'espace social. Mais comment ces contraintes sociales externes, hein, les forces de police qui pèsent sur nos comportements dans l'espace public, ont fini par devenir des auto-contraintes, hein, des contraintes psychiques internes. En fait, ce que cherchait à faire Elias, c'est à historiciser le surmoi, cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « il ne faut pas », qui nous invite à la maîtrise de notre agressivité dans le champ collectif. Hein, et vous voyez comment, en fait, des processus socio-historiques de très grande ampleur ont des effets psychiques, hein, individuels très forts. Bah, ce dialogue entre la psychanalyse, le psy, pour dire quelque chose de très général, et l'histoire, on comprend pourquoi Hervé Mazurel, vous dialoguez avec Stéphane Audouin-Rouzeau dans un ouvrage qui paraît aux belles lettres, La part d'ombre, le risque oublié de la guerre. C'est étonnant, on pourrait se dire, mais que vient faire l'historien des sensibilités pour causer de la guerre? Parce que alors là, s'il y a bien quelque chose qui souvent est présenté de manière chronologique avec un début, des batailles et une fin, et puis des enjeux, etc., en mettant de côté, sauf après les combats, les sensibilités. Alors c'est quoi cette idée de dialogue? En fait, Stéphane Audouin-Rouzeau était mon second directeur de thèse. Quand Alain Corbin est parti à la retraite, j'ai fini ma thèse avec. Ça a été un excellent directeur de thèse. Donc, j'ai été formé aussi par lui. On a eu un dialogue de très longue durée. Et pendant on lisait des livres d'entretien, en l'occurrence celui de Christian Hirao. Et je lui ai posé la question, Stéphane, mais vous n'avez jamais songé à faire un livre de ce type-là? Il m'a dit, on ne me l'a jamais proposé. Et donc, nous sommes partis pendant le confinement, hein, sur un livre écrit à distance, à deux, donc à la fois pour revenir sur tout son itinéraire d'historien, et en même temps, on était frappés par le confinement. Tiens, c'est la guerre, l'espèce de retour à 14-18, hein, la réaction de l'État face à la pandémie, et qui, c'est la guerre. Ah. Et puis, sauf que le bouquin, il a été rattrapé par la guerre en Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'au moment même où nous étions en train de terminer le livre, donc on a ajouté un avant-propos, hein, parce que tout d'un coup, le risque guerrier qu'on avait largement oublié, hein, tout d'un coup, la guerre se réinvite aux portes de l'Europe, tout près de nous, avec la fenêtre nucléaire aussi qui pesait, hein, et qui pèse toujours. Et donc, au fond, ce qui est très intéressant pour moi ici, dans ce dialogue avec Stéphane Audouin-Rouzeau, c'est son insistance sur le déni, hein, de la guerre dans nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire que nos sociétés se sont progressivement démilitarisées, hein, et nous sommes devenus particulièrement sensibles, hein, plus sensibles qu'autrefois à la violence, hein, et c'est cette il y a une histoire des sensibilités à la violence qui a trait bien sûr à l'histoire de la guerre, hein, et ça c'est quelque chose qui était un dialogue évident pour nous, et surtout que Stéphane Audouin-Rouzeau est celui qui a ramené l'histoire de la guerre en quelque sorte au ras du sol, c'est-à-dire non plus regarder la guerre en position de surplomb, un peu à la manière des États, ou à distance à la manière des États-majors, mais retrouver le vécu psychique, le vécu corporel d'abord, affectif et psychique des combattants, hein, sur le front. Hein. Donc lui-même, est un historien, hein, des sensibilités. Il est très attentif notamment au lien entre les agressions sensorielles du champ de bataille et les traumas psychologiques, hein, les traumas psychiques des soldats. Hein. Donc il y a toute cette histoire-là, pour nous, elle est toute naturelle. Hein, et tout un groupe qui l'a formé, je pense à Clémentine Vidal-Naquet, Emmanuel Saint-Fucien, Christian Ingrao, hein. Cette connexion entre l'histoire du fait guerrier et l'histoire des sensibilités, elle va de soi pour nous. Voilà, c'est en cela que l'histoire des sensibilités n'est pas un genre d'histoire. C'est partout, et on le voit bien dans tous les travaux. Vous avez cité Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent, les visages du massacre de la Saint-Barthélemy. Nous pouvons citer Stéphane Audouin-Rouzeau, et tant. C'est-à-dire que cette histoire bataille que j'évoquais, telle qu'elle a été caricaturée, parce que en réalité, souvent les historiens, les historiennes mettaient en place une réflexion sur le ressenti des combattants. Mais aujourd'hui, l'histoire des sensibilités, Bah, elle est partout, parce qu'on ne peut pas faire une histoire sans essayer de voir toutes les composantes autour de son objet d'étude. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaye de défendre avec la revue Sensibilité que je co-anime. Hein. C'était l'idée que l'histoire des sensibilités, c'est pas un secteur à part, dans un coin, en quelque sorte, on pourrait ne pas s'en préoccuper. C'est-à-dire que l'histoire des sensibilités, elle traverse l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire religieuse, bien évidemment, mais même l'histoire économique ou l'histoire des techniques. Prenons l'économie, par exemple. On se dit souvent, bah, l'homo economicus, hein, c'est... J'ai jamais cru à cette fiction, c'est-à-dire d'un individu qui serait capable de maximiser hein, ses intérêts quand voilà, il achète un bien. Hein, il y a toujours des goûts, des dégoûts, des fascinations, des obsessions, etc. Il n'est pas désaffecté, en fait, l'homo economicus. Si vous regardez, et sur quoi repose l'économie ? Sur un sentiment, la confiance. Hein, il faut de la confiance, et quand la confiance s'érode, hein, c'est tous les marchés financiers qui s'inquiètent. Il n'y a pas un plus bel objet pour l'histoire des émotions collectives que le krach boursier. La contagion émotionnelle dans un jour de bourse, le jour d'un krach boursier, c'est quelque chose d'absolument passionnant pour un historien des sensibilités. Et vous voyez très bien comment toute forme d'histoire, même l'histoire économique, peut se nourrir également d'histoire des sensibilités. Donc voilà, c'est pas un petit monde à part en quelque sorte, c'est un monde qui est appelé à fonctionner avec d'autres champs hein, disciplinaires. Et voilà, et l'histoire des techniques aussi, l'évolution des techniques est très importante pour l'histoire des sensibilités. Pensez à ce geste nouveau qui a été le nôtre depuis 20 ans, hein, que Michel Serres appelle la petite poussette. Hein, nous passons notre vie la tête sur un écran de nos smartphones à pousser. Hein, c'est un geste qui est apparu dans l'histoire mondiale hein, et qui a à faire avec, avec l'histoire des sensibilités collectives et des gestes du quotidien. La petite poussette, mais effectivement, hein, c'est devenu le geste d'aujourd'hui avec, pour l'historien du sensible, parfois le moment particulier, parce que, on le dit depuis le début, c'est vrai que c'est essayer de saisir quelque chose qui est difficile à attraper. Il n'y a pas un document qui dit voilà ce que sentaient aujourd'hui tous les gens d'un tel endroit, mais d'un seul coup arrive un gamin, Caspar. Il était doux et bon, comme un enfant, incapable de faire du mal à un ver ou à une mouche. À plus forte raison à une créature humaine. Son âme se montrait en toute occasion pure et sans tache, comme le reflet de l'Éternel dans l'âme d'un ange. Mais en émergeant de son cachot, dans le monde de la lumière, il n'apportait avec lui aucune notion, aucun soupçon de Dieu, pas l'ombre d'une croyance en une réalité supérieure et invisible. Recevant sa pitance comme une bête, dormant, même éveillée, ne connaissant dans le vide de son étroite prison que l'appel des besoins les plus grossiers sans autre occupation que sa nourriture et le soin monotone de ses chevaux de bois, sa vie spirituelle rappelait celle d'une huître. Celle-ci, fixée à un rocher, ne reçoit rien du dehors que sa nourriture, ne perçoit rien que le battement éternellement monotone des vagues. Confinée dans sa coquille, elle ne peut soupçonner l'existence d'un univers autre que son étroite habitation. Caspar serait-il une huître ? En 1986, les chemins de la connaissance s'intéressent à Caspar Hauser. Alors dites-nous, Hervé Mazurel, hein, Caspar l'obscur ou l'enfant de la nuit que vous avez publié, cet ouvrage-là, c'est sur un cas très particulier, mais c'est ça aussi l'histoire des sensibilités. C'est qu'à partir du cas, on peut réfléchir au tout. Oui, on peut penser par cas aussi en histoire des sensibilités. Et il se trouve que là, c'est un cas, à mon avis, majuscule, un exemple exemplaire, on pourrait dire, en quelque sorte. Caspar Hauser, donc c'est un enfant qui a été séquestré très jeune, probablement vers 2 ans, peut-être 3 ans, on ne sait pas très bien. Séquestré pendant 13 ou 14 ans, là encore, on ne sait pas tout à fait, hein, dans une cave obscure, silencieuse, vide. Et la singularité du cas, c'est notamment qu'il n'a pas vu son geôlier hein, toutes ces années parce qu'il lui laissait à boire et à manger la nuit, hein, et qu'il ne l'a découvert qu'au moment où il est sorti, où on l'a fait sortir de son cachot. Hein, il était coupé donc de tout contact avec les humains et de tout contact avec la nature. Hein. C'est un être presque anhistorique parce qu'il n'a rien de commun avec les gens de sa génération, de sa patrie, de son sexe. Hein. C'est un homme que j'ai appelé sans habitus, hein, qui n'a pas intériorisé les façons de penser, d'agir, de sentir de ses contemporains. Et donc quand Caspar sort de son cachot, hein, il est face au monde, dans un état de vulnérabilité infinie, d'épuisement absolu, parce qu'il est face à tous les stimuli sensoriels du monde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne classe pas les arbres avec les arbres, les pierres avec les pierres, les oiseaux avec les oiseaux. Il n'avait jamais eu l'expérience de la pluie, par exemple. Hein, et qui fait face au monde qui est dans un état de totale innocence, sans le tamis d'une culture, justement, hein, pour faire face à ce monde, pour habiter ce monde, pour s'y orienter. Et c'est ça qui le rend si fascinant. Et c'est comment cet enfant, la plupart du temps, voilà, on a tout ce que nous apprenons pas à pas, peu à peu, pendant nos primes socialisation, enfant, lui, il a dû faire face à tout ça d'un seul coup. Hein, d'un seul coup. C'est comme si le monde lui avait été versé en une seule fois, dit Jean-Christophe Bailly dans une belle préface qu'il a accordée à Caspar Hauser. Et donc, il a fallu pour l'historien, ça nous montre à très grossissant comment on éduque ses sens, ses émotions, comment il apprend les manières, hein, les usages de son temps. Hein, il a été relativement vite pour les apprendre, c'est très surprenant. Hein, mais du coup, ça dit, justement, il avait une sensorialité inouïe, hein, qui avait été... il vivait aussi dans un monde raréfié, une cave obscure, donc il avait l'habitude de l'obscurité, il voyait des choses la nuit, était capable de lire des numéros de maison à très grande distance. Un jour, on lui a mis un tableau devant lui, et on avait fait exprès, on l'avait retourné, mais il était à 100 mètres, il dit, retourne le tableau parce que je peux pas voir ce qu'il y a dessus. Vous voyez, donc il avait une familiarité avec la nuit, avec l'obscurité, il croyait pas du tout aux fantômes, il se moquait des gens qui croyaient aux fantômes, mais il avait une sensibilité très, une suracousie également, il était capable de repérer des pas de très loin ou d'entendre des conversations. Donc sa sensorialité n'était pas façonnée. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant, en fait, il peut recevoir toutes les cultures sensorielles du monde, mais très vite, une fois qu'il est socialisé, il est éduqué dans un certain registre, dans un certain régime sensoriel. Ça m'a fasciné, mais même et par rapport à ses émotions, hein, il passait des rires aux larmes d'une seule haleine, en quelque sorte. Il avait des émotions très contrastées. Et progressivement, en vivant à Nuremberg, hein, auprès de son précepteur, qui s'appelait Dömer, qui l'a beaucoup protégé, son premier précepteur, il a appris les codes culturels de l'émotion ambiante. Hein, mais il a toujours été un peu dissonant, malgré tout, hein, par rapport aux habitudes, aux manières d'être, hein, du collectif, mais quand même, il a appris tout ça. Et donc, pour l'historien des sensibilités, c'est merveilleux. C'est pour l'historien du corps aussi, parce qu'il savait à peine marcher. Hein. Le marcher est une technique qu'on apprend. Il a eu un mal fou à monter les escaliers. Hein, et voilà. Donc, il a fallu lui apprendre aussi toute la gestuelle, hein, de ses contemporains. Donc, c'est vraiment Jean-Claude Schütte me disait, c'est un peu le degré zéro de l'humanité. Hein, c'est-à-dire que c'est un apax. Hein, et donc, voilà, c'est fascinant pour nous, pour voir à quel point le social et l'histoire s'invitent précisément jusque dans le tréfonds des corps, jusque dans les manières de sentir, jusque dans les manières de s'émouvoir, de se mouvoir, sur les modes de présence au monde aussi. Hein. Et c'est un cas qui m'a poursuivi, mais le livre refermé, le livre écrit, il continue à me poursuivre encore bien des années plus tard, parce qu'il y a plein de questions qui sont demeurées ouvertes, même le livre terminé. Oui, Caspar l'Obscur, c'est... passionnant comme enquête, comme aventure aussi pour le lecteur. Nous sommes en 1828 à Nuremberg et avec tout ce que vous venez de nous dire, Hervé Mazurel, autour de Caspar, eh bien, il y a la nécessité de construire ses sensibilités pour pouvoir s'intégrer à un univers social. Et j'ai envie de dire que c'est aussi l'intérêt de l'histoire des sensibilités, c'est que ça enrichit notre compréhension du monde de manière plus générale. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de savoir comment les gens du passé ressentaient pour vivre notre quotidien, mais quand on sait que les sensibilités étaient différentes et quand on les comprend, je trouve que ça enrichit. Vous voyez, vous dites Caspar avait du mal à monter l'escalier, on ne lui a pas appris. Aujourd'hui, on comprend mieux quand quelqu'un qui prend un escalator pour la première fois hésite. Voilà, c'est cette histoire-là. Oui, absolument. C'est vrai qu'une fois que vous avez goûté un peu à l'histoire des sensibilités, c'est-à-dire que vous voyez votre voyage dans le monde social de manière assez différente, quand vous êtes sensibilisé, par exemple, à la question des processus de civilisation, notamment des seuils de pudeur, vous entrez dans un métro bondé, vous pouvez pas vous empêcher de regarder à la distance qui s'installe entre les gens, comment chacun cherche à trouver un peu d'espace, de pas gêner l'autre, ou de pas justement être lié aux odeurs, aux sécrétions des autres, et donc vous sentez toute cette tension qui est liée à la proximité des corps, hein, les seuils de pudeur qui sont en question, et ça c'est toujours fascinant. Donc c'est vrai que votre regard il est aiguisé sur tout un tas de choses auxquelles la plupart du temps vous ne prêtiez pas attention. Voilà. Vous enseignez, Hervé Mazurel, à l'université de Bourgogne, si on vous conduit à Dijon, donc il y a un siècle, c'est un tout autre monde. Et vous arrivez, vous, à percevoir, historien des sensibilités que vous êtes, toutes ces différences. Il y a quelque chose presque d'amusant de voir les réactions d'aujourd'hui face à certaines odeurs. C'est vrai que l'histoire des sensibilités, c'est une invitation à un voyage dans le temps, hein, c'est-à-dire d'essayer de reconstituer autant que faire se peut, là encore, hein, il faut rester très prudent, autant que faire se peut, des manières tout à fait différentes.